Mireille Kanyangi. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. La taxe sur la valeur ajoutée TVA n'est pas correctement collectée dans le pays alors qu'elle représente près d'un tiers de tous les impôts payés, selon le ministre des Finances que vous entendrez dans cette édition. Tout avocat, avant d'assister son client, doit désormais présenter une attestation de non-redevabilité délivrée par l'Office burundais des recettes OBR. Vous l'entendrez. Et l'artiste, compositeur, interprète Apollinaire Habonimana invite les Burundais à ne pas perdre d'espoir en cette période difficile sur le plan économique et social. C'est dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Bienvenue encore une fois. Tout avocat, avant d'assister son client, doit désormais présenter une attestation de non-redevabilité délivrée par l'Office burundais des recettes OBR. Dans une correspondance de rappel du ministre des Finances datant du 19 décembre de cette année à l'endroit du ministre de la Justice, le ministre Nestor Nahonouye rappelle que la copie de celle-ci sera versée dans le dossier pour permettre à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de la conformité de ses avocats. Suivant une demande de novembre 2023 au même ministre de la Justice, l'administration fiscale a constaté, poursuit la correspondance, que les avocats et les notaires ne sont pas en train de reverser la taxe sur les tarifs appliqués par les notaires et les avocats alors qu'ils la collectent auprès de leurs clients. La taxe sur la valeur ajoutée TVA n'est pas encore collectée correctement dans le pays alors qu'elle représente près d'un tiers de tous les impôts payés. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances Nestor Nahonouye lors d'une réunion tenue vendredi avec les hauts cadres de l'Office burundais des recettes OBR. Il a également indiqué qu'il existe des taxes qui ne sont pas bien collectées auprès de certains commerçants travaillant dans des kiosques ou des entrepreneurs construisant des bâtiments le long des routes. Et les employés de l'OBR sont tenus de veiller à ce que ces taxes et impôts soient entièrement versés dans le trésor public. On l'écoute. Nous avons analysé d'abord les différentes dispositions légales et qui sont appliquées et d'autres qui ne sont pas appliquées selon comme convenu dans la loi budgétaire ou dans d'autres textes législatifs comme la loi sur la TVA, comme la loi sur les revenus. Nous pouvons citer par exemple la taxe sur la valeur ajoutée qui est collectée à moins de 20%. Nous avons aussi vu que les taxes qui devraient être payées par les kiosques, les stands mais aussi les alimentations où ils ne sont pas très bien collectés et dont le taux de réalisation est très faible. Nous avons vu aussi les taxes sur les licences d'exploitation des bars et restaurants, mais aussi des hôtels, que à ce niveau, le niveau de réalisation est très faible. Avec tous ces constats, nous avons vu que dès la semaine prochaine, on va commencer à sensibiliser à travers les... Il faut que tous les contribuables s'acquittent de ces taxes et impôts conformément à la loi. Sinon, la loi va être appliquée et les sanctions qui sont prévues dans la loi vont être appliquées. Nous allons collaborer avec la justice, avec l'administration locale, mais aussi avec les services de sécurité pour pouvoir maximiser la collecte de ces recettes. Nestor Nahonouye, ministre burundais des Finances. Et pour rappel, l'Office burundais des recettes OBR a été sommé d'assurer le recouvrement des taxes et impôts impayés d'ici jusqu'au 31 décembre de cette année. L'instruction a été celle du chef de l'État. C'était mardi au cours de l'audience qu'il a accordée au conseil d'administration de l'Office burundais des recettes OBR. Le communiqué sorti a été fait par le bureau chargé de la communication à la présidence de la République du Burundi a révélé qu'il y a des contribuables qui se désistent à payer les taxes et impôts compte tenu de leur force dans le pays, selon le rapport de ce conseil. et plus de 100 millions de francs burundais se sont ajoutés aux recettes et impôts qui entrent encaissés annuellement par la commune Kayanza, dans la province Kayanza, comparativement au mois de novembre de l'année dernière et le mois de novembre de l'an courant. Les propos sont de Nsabiyumva Jean-Claude, inspecteur provincial des finances des communes en cette province. Il déplore toutefois le faible débit de connexion Internet au Burundi. Un défi majeur auquel fait face est la mise en œuvre du projet e-tax. Le point avec Patrick Senguillonva. Le projet e-tax lié à la perception des taxes et impôts en commune et Kayanza d'une façon électronique a été lancé dans la province Kayanza le mois d'août l'an courant. Jean-Claude Nsabiyumva, inspecteur provincial des finances et des communes à Kayanza, indique que ce nouveau système de perception des taxes et impôts a apporté une valeur ajoutée dans la caisse communale. Les données chiffrées fournies par le bureau provincial de l'inspection des finances communales à Kayanza montrent que par exemple le mois d'août l'an 2023, des taxes et impôts collectés en commune Kayanza étaient de 55 609 000 comparativement au mois d'août l'an en cours où avec le e-tax les taxes et impôts sont évalués à 62 709 000. Les mêmes données montrent qu'avec le mois de septembre 2023, les taxes et impôts collectés en commune Kayanza étaient de 44 847 000 contre 59 420 000 pour le mois de septembre de cette année. Ces données montrent également qu'avec octobre 2023, on a percé en commune Kayanza 56 millions 100 et quelques mille contre 59 420 000 le mois d'octobre l'an en cours, au moment où avec le novembre 2023, on a collecté 39 215 000 contre 143 981 000 le novembre passé. Jean-Claude Sabiyumva, inspecteur provincial des finances et des communes en province Kayanza, indique que le système de e-tax est d'une grande importance pour augmenter les frais de taxes et impôts qui entrent mensuellement dans la caisse communale Kayanza. Il déplore toutefois le faible débit de la connexion Internet qui parfois, selon lui, handicape beaucoup le travail des percepteurs d'impôts et demande à cet effet que la question trouve solution. Des percepteurs d'impôts en commune Kayanza apprécient positivement qu'ils gagnent les rémunérations chaque jour après le travail. Vous saurez que la commune Kayanza est une commune pilote en province Kayanza parmi les 9 communes qui la composent dans la mise en œuvre de ce nouveau projet lié à ce système de e-tax. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. L'entreprise Global Smart Technology, qui avait un contrat avec l'Office des transports du Burundi Outraco dans l'octroi des contrôles techniques, a suspendu ses activités. Le compte rendu du Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine, lu par le secrétaire général du gouvernement, révèle que cette entreprise a rapatrié son personnel étranger. Jérôme Néonzima indique que malgré cela, le personnel de l'Outraco continue à vaquer à ses occupations. On l'écoute. L'ordonnance ministérielle numéro 720/540/946 du 31 juillet 2023 a fixé des modalités de mise en œuvre du projet de modernisation des services de contrôle technique automobile et de l'octroi du permis de transport avec une nouvelle répartition des recettes entre les partenaires que sont Global Smart Technology Burundi, GST en sigle, et le gouvernement du Burundi à travers l'Outraco. À la suite de cette nouvelle clé de répartition des recettes, GST a préféré se retirer de ce partenariat en boycottant les activités du projet à travers les actions suivantes. 1. Départ du personnel expatrié. 2. Non-paiement des salaires du personnel local. 3. Abandon de la délivrance des documents par la paralysie du logiciel. L'Outraco a pu mettre en place un système de gestion de base de données relatives à la délivrance des certificats de contrôle technique et des permis de transport. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant certaines corrections de fond comme de forme. Le ministère de la Sécurité publique a instauré un système d'alerte précoce qui sert à lutter contre les catastrophes naturelles. Ceci a été dit vendredi par le ministre de la Sécurité publique lorsque les corps de défense et de sécurité échangeaient les vœux de nouvel an avec la famille présidentielle. Martin Iteretse indiquait que la police nationale s'attelait aux travaux de développement dans tous les commissariats du pays. On l'écoute traduit en français par Ivariste Nzikobanyang. Imigwi itandukanye y'inkozi z'ibibi yasambuwe irashyikirizwa inzego z'ubutungane ubu. Certains groupes terroristes ont été démantelés et dans certaines localités la sécurité est relativement bonne et la population est à l'aise. Sauf que nous sommes toujours à la chasse de certains malfaiteurs qui existent encore, surtout ceux qui détruisent les plantations de maïs. La police burundaise a aussi exécuté différents projets de développement dans plusieurs domaines. On a construit des bâtiments qui abritent plusieurs services. La police s'est aussi lancée dans le domaine agro-pastoral, dans tous les commissariats communaux et provinciaux, et l'on s'est acquitté à l'élevage des petits ruminants, en l'occurrence les lapins. La police a aussi fait face aux risques et catastrophes en ce qui est recherche des informations liées au changement climatique pour s'adapter au contexte du moment et informer à temps la population pour qu'elle puisse en faire face, ce qu'on a appelé système d'alerte précoce. Cette année aussi a été caractérisée par l'intervention à l'endroit des victimes des risques et catastrophes, surtout à ceux qui ont fui leur ménage suite aux inondations et glissements de terrain causés par de fortes pluies et le débordement des eaux du lac Tanganyika. Lors de ces cérémonies, Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense et des Anciens Combattants, a salué l'ambition du chef de l'État burundais de mettre en place une journée dédiée à l'armée burundaise comme c'est le cas dans d'autres pays. Suivez-le, traduit en français par Évariste Nzikobanyan. Nous avons bien accueilli, Excellence chef de l'État, la promesse de la journée dédiée à l'armée burundaise, comme ça se fait ailleurs dans le monde. C'est pour cette raison que je me joins donc aux officiers supérieurs et aux troupes pour vous remercier de toutes les faveurs que vous ne cessez de nous accorder. Nous prenons en compte tous les conseils que vous ne cessez de nous prodiguer et ça nous encourage à bien exécuter les tâches que vous nous avez accordées. Ceci décourage les malfaiteurs qui ne font que se livrer aux actes barbares pour montrer qu'ils existent et pour faire peur à la population. Ceci nous pousse à demander aux jeunes de couper court avec ces mouvements terroristes qui les désorientent afin de rentrer dans leur pays natal et se joindre à leurs sœurs et frères pour s'atteler aux activités de développement communautaire. Nous appelons également les réfugiés burundais à rentrer dans leur pays pour mettre en application les visions dont le Burundi s'est fixé. Pour clore cette édition, l'artiste, compositeur, interprète Apolline Habonimana appelle les Burundais à ne pas perdre espoir en cette période difficile sur le plan économique et social. Et à travers sa nouvelle chanson, il reste persuadé que sous peu, le Burundi va connaître une période de prospérité et invite chaque Burundais à redoubler d'efforts. Les détails avec Christian Savier. Le message véhiculé à travers cette nouvelle chanson de l'artiste Apollinaire Habonimana est un message plein d'espoir dans une période, comme il le dit lui-même, difficile. C'est une chanson patriotique. But de cette chanson, c'est proclamer l'espoir. Moi, comme le Burundais patriotique, j'ai le droit d'annoncer des bons moments que Dieu nous réserve, des bons moments que le Burundi attend depuis des années. C'est une voix prophétique. Le moment du réveil, le moment des transformations, c'est ça le but de ces chansons. Je propose et j'annonce le moment de restauration, le moment de l'espoir. Nous vivons le moment où les Burundais ont perdu de l'espoir. Je pense que nous traversons les moments difficiles. Les gens se plaignent. Moi, je me dis que j'ai un message d'encouragement. J'ai un message de proclamer l'espoir. Pour ceux qui se disent que le temps a pris le dessus, Apollinaire Habonimana les invite à ne pas perdre l'espoir. Je pourrais dire à ces gens que toute chose a son temps. Le temps que nous traversons, le temps de confusion, ça peut durer longtemps et quelqu'un peut perdre l'espoir. Demain, nous avons un autre jour. Demain, j'espère que Dieu a de bonnes choses qu'il nous réserve. Alors, prends courage et prie le bon Dieu. Et fais ce que tu peux faire pour contribuer à construire cette belle nation que Dieu nous a donnée. Pour cela, nous avons tous célébré la victoire et la transformation que nous attendons. Voilà, c'est par cette mélodie que je mets en point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde. Très bon week-end à tous et à tous. Tout de suite après, vous suivez la revue de presse avec Jean Bosco Ndouimana. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. CNDD FDD versus Burundi Bwabose, le face-à-face se dessine, lance un blogueur du collectif IAG qui estime que, de toute évidence, le chemin vers 2025 semble semé d'embûches pour le camp Rwasa et pour ce nouveau-né de la classe politique qui devra se passer, du moins officiellement pour l'instant, de ce poids lourd de l'opposition. Par ailleurs, poursuit-il, bien que l'agrément de cette coalition soit encore en attente, rien n'est acquis, ni du côté des régulateurs, ni du côté de l'opinion publique. Cette dernière garde en mémoire d'autres coalitions, nées dans un passé récent qui n'ont pas survécu longtemps, tant l'environnement politique était peu favorable, tant les intérêts de leurs membres étaient divergents. 2025 pourrait-il être différent ? S'interroge ce blogueur, pour qui il serait risqué de répondre à cette question, mais les indicateurs semblent donner raison aux pessimistes. Un enseignant accusé de meurtre libéré par grâce présidentielle, rapporte Net Press. En effet, précise son confrère, la famille d'un élève du lycée communal d'Okajondi en commune de Rutovu de la province de Bururi demande la réarrestation d'un enseignant qui a infligé des coups et blessures ayant entraîné la mort, celui-là même qui vient de bénéficier d'une grâce présidentielle. Fidel Niyukuri, auteur du meurtre, avait été condamné à 5 ans de prison ferme et de verser 10 millions de francs burundais d'amende, souligne encore ce quotidien en ligne. Selon Net Press, la famille de la victime déclare que cet enseignant ne figurait pas parmi les groupes de détenus qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle, mais qu'il est libre depuis une semaine. Revue de la presse. Hôpital Roi Khaled, en débordement de parturientes, constate le journal Iwachu. En effet, rapporte son confrère, ces derniers temps, le centre hospitalo-universitaire de Kamenge, appelé Hôpital Roi Khaled, fait face à une grande affluence des femmes venant accoucher. Mais hélas, son service maternité n'a pas de chambre ni de lit suffisant pour pouvoir les accueillir toutes. Dans le couloir du bloc opératoire de la maternité, Des femmes venant d'être opérées sont sur leur lit dans le couloir. La mère et le nouveau-né sont exposés au regard de tous les gens qui y passent. Le directeur général du CHUK, Dr Stanley Harakandi, reconnaît que cette situation est bien réelle. Il explique dans les colonnes de cet hebdomadaire que la cause de cette grande affluence serait que l'hôpital Hope n'applique plus la gratuité des soins pour les femmes qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans. Et donc que toutes ces femmes viennent maintenant au CHUK. Et c'est pourquoi les lieux d'hospitalisation sont débordés et que le CHUK dépasse sa capacité d'accueil des patientes, fait-il savoir, toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire Iwachu. Le miel joue un rôle important dans la fabrication des produits cosmétiques, a indiqué Aloïse Ndaihanzama Asso, président et représentant légal de la coopérative Burundian Beekeepers Zidutunge, lors d'une interview accordée à l'agence burundaise de presse au cours de la 4e édition de la Semaine de l'innovation des jeunes. En effet, ajoute la BP, cette coopérative a débuté ses activités en 2019 sur financement du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ. Il a fait savoir que cette coopérative œuvre dans l'élevage des abeilles, la transformation et la commercialisation des produits à base du miel comme la propolis, la cire d'abeille, le venin, le pollen et la gelée royale. Cette coopérative arrive à un pas satisfaisant car elle peut embaucher plus de 45 employés selon les commandes et ses employés répartis dans différentes tâches, notamment dans la transformation, marketing et autres, peuvent gagner chacun 250 000 à 300 000 francs burundais et plus par mois, précise la BP. Grâce à l'élevage des abeilles, a-t-il indiqué, la coopérative possède un secteur d'apithérapie pour les soins de santé à base des médicaments extraits du miel. Ndaihanzama Asso a informé, toujours dans les colonnes de la BP, que cette coopérative souhaite également mettre sur pied un laboratoire de fabrication des médicaments traditionnels à base du miel, avant de signaler que des techniciens et différents professeurs, ainsi qu'un docteur étranger, Stéphane Tanguy, lui ont promis de l'accompagner dans ce secteur. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.